Et ça crie, ça pleure, ça rit, ça fait du bruit. C'est plein de fleurs, de soleil et de fruits. On mange des glaces de toutes les couleurs. On se promène, des spas et des bardeurs. C'est bien mieux que la voiture pour partir à l'aventure. La paix, midi, je me fais des amis. Des gros, des maigres, des grands et des petits. Le soir, on sort, on s'échange nos amis. Depuis que je suis rentrée à Paris, je ne pense qu'à vous tout le temps.